Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Reu. Cycle 4, le Deuxième Empire, le fascicule allemand numéro 180, L'ennemi implacable, écrit par William Woltz en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 78, L'offensive de crétinisation, paru chez Fleuve Noir en 1988. Reginald Bull rejoint le Crest, emmenant avec lui André Lenoir, le fascinateur. Grâce à ses facultés, on apprend que les trois prisonniers, faits sur la lune de Stoop, sont originaires de la planète Plophos, une colonie terrienne cherchant son indépendance. Le 4 octobre 2328, 20 croiseurs surgissent et attaquent la nef amirale qui se trouve acculée devant la force supérieure. L'escadre est commandée par le commandant Ron Purton. Comme tous les personnages importants de Plophos, il doit recevoir, toutes les 4 semaines, un antidote à un poison mortel. Ses vaisseaux abattent le Crest, qui s'écrase sur une planète. Plusieurs groupes de survivants tentent de se regrouper, mais ils sont pourchassés et abattus par les forces plophosiennes. Le groupe comprenant Perry Rodden, Reginald Bull, Melbar Kazum, Atlan, André Lenoir et l'aspirant Canero, trouvent refuge dans une grotte où vivent les indigènes, les tépirs, qu'ils prennent pour des animaux. Canero sombre dans la folie et s'enfuit seul. Il est tué par des animaux ressemblant à des lézards. Des forces plophosiennes attaquent et parviennent à s'emparer des 5 personnalités. Alan D. Merkant est informé, le 5 octobre 2328, que les dirigeants de l'Empire solaire ont probablement trouvé la mort dans l'explosion du Crest. Le fascicule allemand numéro 181, Prisonnier à Central City, écrit par William Woltz en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 79, La Sylve sanguinaire, paru chez Fleuve Noir en 1988. Horatio Andro, le dictateur de la planète Plophos, rend visite à Perry Rodden et ses compagnons, prisonniers sur le Phénix. Le juge-président du Conseil du système de Galle s'assure la fidélité de ses hommes en leur administrant une drogue qui nécessite de recevoir un antidote toutes les 4 semaines. Une injection de ce type est faite à André Lenoir. Les captifs sont ensuite amenés sur la planète Green Door pour y être interrogés. Les 5 hommes sont incarcérés dans une prison de Central City, la capitale de la planète. Le 10 octobre 2328, ils s'évadent par un tunnel conduisant aux égouts. Là, ils sont vite confrontés aux végétaux monstrueux peuplant la planète. Ils gagnent la jungle tandis que des soldats se lancent à leur recherche. Leur progression est rendue difficile par les multiples formes de vie végétale hostiles. Séparé de ses compagnons, Perry Rodden prend l'équipement de l'un des soldats lancé à leur trousse, mais il est repris par les plophosiens. À deux doigts d'être repris, Atlan, Reginald Bull et le Noir trouvent refuge à l'intérieur d'un arbre pieuvre qui s'éloigne. Le fascinateur a réussi à le prendre sous son contrôle. Les fugitifs finissent toutefois par être repris par les commandos de recherche dirigés par Al Jiggers. Melbourne Kazum, quant à lui, s'est caché dans un arbre pieuvre creux et conserve sa liberté. Dans la galaxie, la nouvelle de la fin du Crest et la mort probable de Perry Rodden sème la confusion. L'Empire Uni commence à se disloquer sérieusement. Le fascicule allemand numéro 182, 3 de la Défense Galactique, écrit par Courtemar en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 79, La Sylve Sanguinaire, paru chez Fleuve Noir en 1988. Le Hondro 5 se pose sur la planète Plophos le 10 novembre 2328, où il est attendu par Horatio Hondro. Flairant une affaire d'envergure, Arthur Constantin, le chef de la police, mais aussi agent de la Défense Galactique, fait arrêter le commandant et son second sous prétexte de trahison. Cela lui permet de les interroger par des moyens mécaniques et d'apprendre d'où vient le vaisseau. Accompagné du lieutenant Eko Kenen, aussi agent de la Défense Galactique, Constantin se rend au palais du juge-président pour l'informer de la découverte d'un complot. Plus tard, Horatio Hondro envoie une invitation à Eko Kenen, dont le physique lui a plu. Horatio Hondro appelle Constantin au milieu de la nuit. C'est en fait un piège, car il a été percé à jour. Constantin prend Horatio Hondro en otage et quitte le palais. Il s'enfuit à bord d'un glisseur et libère le dictateur avant de disparaître. Le policier trouve refuge dans un appartement destiné à servir de repli. Il apprend qu'Eko Kenen a été démasqué, mais que son autre agent, Kato Jensen, est toujours en liberté. Constantin et Jensen se retrouvent et organisent un plan pour libérer leurs camarades. Les deux hommes s'approchent, de nuit, du bâtiment où Eko est tenue captive et constate que c'est un piège. Constantin l'avait toutefois deviné et il a pu déposer des bombes un peu plus tôt. Il les fait exploser et pénètre dans le bâtiment. Eko Kenen est libéré, puis Constantin accède aux archives. Il trouve un message indiquant que Rodden n'est pas mort dans l'explosion du Crest. Constantin envoie un message à destination de tous les bâtiments terriens annonçant que Rodden, Bull et Atlan sont toujours en vie. Le message est bien reçu et transmis à Landy Merchant. Des roquettes détruisent alors le bâtiment, tuant ses occupants. Le fascicule allemand numéro 183, L'armée de la jungle, écrit par William Woltz en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 80, Guérilla sur Green Door, paru chez Fleuve Noir en 1989. Horatio Hondro, ayant quitté Green Door, c'est maintenant son représentant, Trat Teltak, qui s'occupe de Perry Rodden, Atlan, Reginald Bull et André Lenoir. Le 1er novembre, on leur a injecté le poison qui, faute d'antidote, les tuera 30 jours plus tard. Le 10 novembre, Trat Teltak fait projeter à ses prisonniers des vidéos qui montrent qu'en l'absence de Rodden, l'Empire Uni est en train de tomber dans l'anarchie. Il leur demande de collaborer avec Hondro. Mais le Barkazom quitte l'arbre pieuvre avec lequel il a échappé au Plofosien et tente de regagner Central City, mais il comprend vite qu'il ne pourra échapper seul au danger de la forêt de Grindor. Il tombe sur Denner, un membre de l'organisation résistante des neutralistes. Il veut trahir la résistance et tente de rejoindre Central City pour livrer des informations à Andro. Melbar gagne sa confiance en lui faisant croire qu'il est lui-même un agent d'Iratio Andro. Mais bientôt, les neutralistes les rattrapent et les capturent. Quand l'Étrusien informe Barbe Noire Brett, leur chef, de son intention de libérer rapidement Rodden et ses amis, Brett accepte de l'aider. Kazam est conduit dans le camp des neutralistes. L'attaque commence le 11 novembre 2328. Pendant que 500 neutralistes attaquent le relais Hypercom et subissent de lourdes pertes, Kazam et une dizaine d'hommes se frayent un passage jusqu'au palais du gouvernement. Ils évitent les gardes du palais et se dirigent vers le 18e étage où se trouve la prison. Les Drenol et d'autres plantes mobiles de Grindor attaquent Central City et mettent en difficulté les Plofosiens menés par Trateltak. Kazam réussit à atteindre la prison et à libérer Rodden, Atlan, Bull et le Noir, mais Atlan refuse de partir, persuadé qu'il devra de toute façon revenir pour obtenir le contrepoison. Kazam l'assomme et lui fait quitter sa cellule contre son gré. Trateltak, avant de l'attaque de la prison par les neutralistes, est s'y rend en urgence. Il arrive trop tard pour empêcher Rodden, ses amis et le petit groupe de neutralistes de fuir par les souterrains par lesquels ils sont venus. Les neutralistes se replient et amènent Rodden dans leur base. Rodden demande qu'un message soit envoyé à la flotte solaire, mais Barbe Noire Brett refuse. Rodden comprend qu'il est maintenant prisonnier des neutralistes qui avaient leur propre raison de le libérer. Le fascicule allemand numéro 184, L'Émir et la Garde Bleue, écrit par Clark Dalton en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 80, Guérilla sur Grindor, paru chez Fleuve Noir en 1989. Depuis le 9 novembre 2328, Julian Tiflor et Alan D. Merkent savent que Rodden est vivant et a été enlevé par les Plofosiers. Devant la désagrégation de l'Empire Uni, ils lancent une opération destinée à détruire tous les canons transformateurs qui ont été fournis aux ex-alliés de l'Empire solaire. Peu après, Tiflor et Merkent réunissent la milice des mutants sur le Tora, le nouveau navire amiral de la flotte solaire. Mais au courant de la situation, les mutants décident de demander l'aide de l'immortel de Delos. Contacté par télépathie, ce dernier refuse d'aider les Terriens en exprimant que Rodden est loin d'avoir atteint son objectif d'unification de la Voie lactée. Arnaud, contacté à son tour, refuse lui aussi son aide en expliquant que des lois d'ordre supérieur l'empêchent d'intervenir. Il prédit néanmoins que Rodden sera sauvé et atteindra bientôt la galaxie d'Andromède. Sous le prétexte d'une mission diplomatique terrienne, John Marshall, Ras Chubai et Taku Kakuta débarquent et se rendent au consulat terrien sur Plofos, où ils s'aperçoivent que le consul est sous l'emprise d'un hypnobloc. Il le relève de ses fonctions. Informé de ce fait, Iratio Hondro demande à voir les trois envoyés terriens. Marshall joue carte sur table et lui demande où est Rodden. Hondro décide de capturer les trois mutants sans craindre aucunement les réactions de la Terre, qu'il considère comme une planète sur le déclin. Les Terriens s'aperçoivent alors qu'ils ne peuvent plus utiliser leur pouvoir. Hondro leur explique que tout le palais est psychiquement protégé par des Antis. Malgré la menace que représentent les Antis, l'Émir parvient à délivrer les trois mutants. Il retourne ensuite au palais pour capturer Etehak Guti, le chef de la police secrète, car il pense qu'il sait où se trouve Rodden. emmené à bord du Tora, et Tehak Guti refuse de dire où est Radon. Il pense qu'il va mourir de toute façon, car il est soumis au poison d'Andro. Mais la pression télékinésique de l'émir l'oblige bientôt à avouer que Radon est sur Grindor. Le Tora s'y rend. L'émir se téléporte auprès de Trateltak, et en sondant ses pensées, il apprend que la plupart des neutralistes ont quitté Grindor en emportant leurs prisonniers vers une destination inconnue. L'émir vole ensuite à Teltak trois doses de contrepoison. Le Tora retourne sur Plophos, et Tifleur y débarque Etehak Guti après lui avoir donné les trois doses de contrepoison. Il espère ainsi le rendre moins dépendant d'Irasu Hondro et s'en faire un allié pour l'avenir. Le fascicule allemand numéro 185, Flamme sur Badun, écrit par Kurt Brand en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 81, Pas de retour pour Radon, paru chez Fleuve Noir en 1989. Perry Radon et ses compagnons sont embarqués à bord d'un navire qui les emmène vers Badon, le quartier général des neutralistes. Ils aident le commandant Ukika à veiller sur André Lenoir pour le protéger de la convoitise de certains membres de l'équipage qui visent son activateur cellulaire. Après un vol sans histoire, le navire atterrit sur la planète Badun, où les attendent Lord Kosich Abro et sa fille Maury. Ceux-ci espèrent les rallier à leur cause en échange de l'antidote contre le poison que leur a inoculé Irasu Hondro. Le Pand, un vieux vaisseau maquillé en navire franc-passeur avec à son bord Alekom Jiggins et d'autres membres des services secrets plofosiens, gagne H-67, sa base secrète. L'équipage apprend une terrible nouvelle. S'ils ne trouvent pas la planète des neutralistes, ils ne recevront pas l'antidote. Ils finissent par trouver Badon, et Jiggins se voit obligé de négocier avec Lord Abro, un chargement inutile, car un vrai passeur ne repart jamais à vide. Radon et ses amis constatent que l'armée des neutralistes est ridiculement trop faible. Ils se rendent également compte que Lord Abro est mentalement perturbé. Celui-ci exige toujours plus. Pas moins de 50% de la flotte robot-terrienne. Reginald Bull, Radon et Atlan travaillent beaucoup et ce qu'ils découvrent ne les rassure pas. La flotte neutraliste n'est pas en mesure de mener une bataille contre Plophos. Les rebelles n'ont toujours pas le contrepoison et Maury ne cesse de les épier et de les menacer. La flotte plophosienne, guidée par le Pand, finit par attaquer Badon et c'est un vrai massacre. Radon et ses compagnons parviennent à fuir à bord d'une chaloupe avec Maury, mais ils sont repérés. Mais alors qu'ils sont sur le point d'être capturés, l'air commence à scintiller autour d'eux et ils se dématérialisent. Le fascicule allemand numéro 186, La sphère hypnotique, écrit par Kurt Brand en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 81, Pas de retour pour Radon, paru chez Fleuve Noir en 1989. Perry Radon, Reginald Bull, Atlan, André Lenoir, Belbor Kazum et Maury Abro se réveille à bord d'un navire inconnu, sans équipage. Le navire les a téléportés à bord juste avant qu'ils ne soient capturés par les commandos de Hondro sur Baden. Peu après, le navire se pose sur une planète inconnue et les débarque de force avant de redécoller. À la recherche d'un abri pour la nuit, ils sont rejoints par les Monks, un peuple évoquant des chimpanzés, qui les guident jusqu'à une grotte avant de disparaître. Le groupe décide d'aller vers le nord, affrontant sans cesse des créatures les plus diverses. Le noir se rend compte qu'ils subissent, en fait, un influx subjectif qui les incite à aller dans cette direction. Au milieu du fleuve, ils aperçoivent un groupe de francs-passeurs sur la berge. Le noir les oblige à les rejoindre. Les passeurs leur apprennent que plus d'une centaine de races se trouvent prisonnières sur ce monde que les naufragés ont baptisé « ravissante ». Ils sont sur le radeau depuis 2 jours quand des tirs de radiant disloquent l'embarcation. Ils sont sauvés de la noyade par des « kudu », une autre espèce intelligente qui évoque un mélange entre tigre et serpent. Pour aller plus vite, les monks et les humains grimpent sur les kudu. De nombreuses fois, le groupe repousse les assauts de ptérosauriens, de boules lumineuses, d'humanoïdes différents. Une colline semble les attirer irrésistiblement. Rodden, Bull et Atlan décident de l'escalader. Kazam et Murray s'endorment et se réveillent seuls après 3 jours de sommeil, entourés des monks et des kudu. Sur la colline, ils découvrent une bâtisse. À l'intérieur, ils trouvent une grosse sphère brunâtre, visiblement morte, qui dégage une puanteur extrême. C'était elle qui envoyait les hypnosuggestions. André Lenoir l'a tuée à l'issue d'un long duel mental. Il retrouve également Perry et ses compagnons sous un éboulement, vivants, alors que le délai pour recevoir l'antidote est écoulé. Peu après, le mystérieux vaisseau réapparaît et les invite à monter à bord. L'immortel se manifeste alors et rappelle à Rodden que le poison n'est pas une mort violente et qu'ils ne risquaient rien grâce à leurs activateurs cellulaires. Le fascicule allemand numéro 187, Soldat pour Kahalo, écrit par Courtemar en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 82, Les soldats stellaires, paru chez Fleuve Noir en 1989. Le vaisseau d'origine inconnue emporte Perry Rodden, Reginald Bull, Atlan, Melbar Kazam, André Lenoir et Maury Abreu vers un but mystérieux. Ils fouillent le navire à la recherche d'informations et finissent par entrer en contact avec les étrangers qui contrôlent l'appareil. Ceux-ci sont de petits humanoïdes avec une grosse tête. Ces microcéphales, ou Kaal, les ont enlevés car ils ont besoin d'aide. Leur planète, Kahalo, subit l'attaque des floutes venues de la 3e planète de leur système. Le vaisseau dépose les terriens sur Kahalo. Perry Rodden apprend l'existence de pyramides de 500 mètres de haut, le Grand Kaal. Ils passent ensuite à l'action contre les floutes insectoïdes dont le niveau de civilisation correspond à celui de la Terre du 20e siècle. Les terriens mettent en déroute les armées floutes et parviennent, sans grande difficulté, à repousser les envahisseurs. Kahalo libéré, les terriens repartent à bord d'une nef automatique. Le fascicule allemand numéro 188, Les morts vivants, écrit par K.H. Scheer en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 82, Les soldats stellaires, paru chez Fleuve Noir en 1989. Le vaisseau robot emporte Perry Rodden et ses compagnons dans l'Est galactique et les dépose sur Broust, la deuxième planète d'un soleil jaune, avant d'appareiller en catastrophe. Là, les Terriens découvrent que ce monde abrite aussi des pyramides semblables à celles de Kaalo. Deux peuples sont en lutte constante, tous deux descendants de francs-passeurs. Ils doivent payer un lourd tribut à de mystérieux hommes en noir, dotés de forces suggestives. Les naufragés sont amenés sur Travera, l'une des deux villes de la planète, où ils sont accueillis par le patriarche du même nom. Ils restent là plusieurs jours. Lors d'une entrevue avec son rival Gognul, les hommes en noir interviennent, mais Perry Rodden et ses compagnons éliminent le danger une bonne fois pour toutes. Les hommes en noir, des êtres dégénérés ayant besoin de radioactivité pour vivre, sont les derniers gardiens des pyramides. Le fascicule allemand numéro 189, L'expédition des mulots castors, écrit par Clark Dalton en 1965, fut adapté dans le volume français numéro 83, Mulot en mission, paru chez Fleuve Noir en 1989. En janvier 2329, Lilt, Gecko, part avec le Perdita à la recherche de Perry Rodden, disparu. L'équipage se compose d'Ilt, d'Unitaire et de Willy. La chaloupe explore quelques planètes sans grande conviction. Les jeunes Ilt passent leur temps à s'amuser et Gecko à jouer au chef, laissant les Unitaires tout assumer à bord. Pour échapper à cinq vaisseaux de forme ovoïde, le Perdita se réfugie dans un système solaire comptant environ une quarantaine de planètes. Une terrible secousse ébranle le vaisseau, qui se met à chuter. Il doit se poser sur une planète recouverte aux trois quarts d'eau, paraissant paisible et hospitalière. Les réparations devant prendre cinq jours, les mulots décident d'explorer les environs tout en continuant à se disputer l'autorité et à faire preuve d'insouciance. C'est alors qu'un spectre apparaît. Malgré la peur qui le tenaille, Gecko monte un petit commando pour essayer de le retrouver. Plusieurs spectres viennent alors à leur rencontre. Ils sont en fait pacifiques et inoffensifs et se nomment les rêveurs. Grâce à une machine de leur invention, ils peuvent séparer leur âme de leur corps et voyager. Les rêveurs leur apprennent ainsi que les ennemis qui les ont attaqués sont les chasseurs d'un système voisin et que ceux-ci, tout en redoutant les rêveurs qu'ils prennent pour des démons, cherchent leur enveloppe corporelle. Ce sont des guerriers qui détruisent les mondes paisibles ou les réduisent en esclavage. Deux jours plus tard, une nef des chasseurs se pose à côté du Perdita. L'unitaire Zbrun n'a toujours pas pu contacter de vaisseau terrien ni terminer les réparations. Le vaisseau est donc vulnérable. Les chasseurs ressemblent à des insectes humanoïdes de 2 mètres de haut qui terrifient les mulots castors. Une fois leur première frayeur passée, le combat s'engage et l'équipage du Perdita prend vite le dessus. Deux mulots sont montés à bord du vaisseau des chasseurs. Gecko s'y téléporte, mais même s'ils arrivent finalement à neutraliser leurs assaillants, ils ne peuvent empêcher le navire de décoller. Sur la planète, les Woolies ont tué tous les assaillants. À bord du vaisseau, tous les chasseurs sont morts également, car leur morphologie n'a pas résisté à la pression résultant de l'accélération subite de leur navire. Les trois mulots sont donc les seuls survivants, mais ils ne savent pas piloter et ils foncent vers un soleil. Heureusement, les rêveurs viennent à leur secours et indiquent aux trois îles comment manœuvrer le vaisseau. Gecko les téléporte à bord du Perdita juste avant que le vaisseau ne s'écrase sur la planète. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 4 des fascicules 180 à 189 des aventures de Peter Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellarc.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons Share Alike et est une production 2015 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.